casse pas la tête si ça sent le braquage. C'est Beretta qui shoot. L'arrière ton mic, violent comme un chef d'état qui chute. Shoot les fils de pute, garde le crime en guise de pute. Sale bitume, bordel, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Y'a la haine, tout part de là pour que je rappe à la haine, né. Et habibi, fais pas la maline. Surveille ta ligne quand j'aligne mes phrases, tu sais que j'en ai mal au canine. On peut pas s'empêcher d'avoir la haine. Aïe, être méchant à coup de pollen. Oudaya, et l'ami, faut que le monde sache que c'est un travail de longue haleine. C'est pour mes frères de Béjaïa. Y'a ni de cymbal, ni de rappeur à cymbal. On fait ça pour la caille, pour les cailles. Reste, on s'emballe. D'abord, j'ferme pas ma gueule, j'ai trop de choses à dire. J'passe mon tag comme berger au problème qu'on s'attire. Bon, ça faut que ça tire. Je vais couler sous les saphirs, patine cette saphir et on s'affirme. C'est Belek, toujours présent au nom de saphirme. Yeah, yeah, crache pas la tête si ça sent le braquage. C'est Beretta qui shoot. L'arrière ton mic, violent comme un chef d'état qui chute. Boum, joue les fils de pute, garde le crime en guise de pute. Sale bitume, bordel, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À part qu'ici ça flingue, à part qu'ici ça chlingue, à part qu'ici on veut le pognon et la fringue. Casse pas la tête, dégage. J'écris la rage et tout ce qui va avec. Pensez au style, fais danser au style du crime. Trim pour l'estime des combattants. Tu veux de la bombe? Attends, on tombe à temps. Beretta, choc avec le mur du sang. L'œil est dans le viseur. J'attends les miseurs, full navi à 10h. Accroche au microphone, représenté par les griseurs. Cherche visa et Cyrus, appelle mon virus. Passé berbère, j'écris mes mots sur du papyrus. J'abîme, toum, paré foum, paré floum, paré bordélique. Et c'est pour ça qu'on boit encore des litres. J't'envoie encore des lettres, voyelles ou consonnes. L'arrière t'es présent, paraît que ça monte quand tu consommes. Casse pas la tête si ça sent le braquage. C'est Beretta qui shoot. L'arrière ton mic, violent comme un chef d'état qui chute. Boum, joue les fils de pute, garde le crime en guise de pute. Sale bitume, bordel, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À part qu'ici ça flingue, à part qu'ici ça chlingue, à part qu'ici on veut le pognon et la fringue. Putain, écrit avec autant d'acharnement. 1330, c'est B2ZROTA, pire que l'OTA. Casse pas la tête, mon pote. Rap sans politesse, j'suis pas là pour entamer un discours politique. Non. MC en état d'ivresse, sur voie publique ou sur scène. J'crois que j'tiens presque plus debout, nique sa mère. J'ai déjà pris mes doses, mon sang déjà branché aux prises. On vient représenter ce qu'on opprime, on vient prendre ce qu'on nous prive. Enfant d'en bas, juste envie de prime, nos vies dans le drame. J'crie, j'crame, big scène, mon crime. J'traîne, j'trime, à l'écrit c'était le son qu'on crame. On agit sans consigne, et vers la merde qu'on sème. En soirée ou en concert, c'est la hiat qu'on signe. Dédié aux mauvaises graines, dédié aux fumeurs de grammes. Dédié à ceux qui tiennent et à ceux qui ont déjà perdu l'âme. C'est pour ceux qui aiment, monte les watts, préviens le peuple et surtout te casse. Casse pas la tête si ça sent le braquage. C'est Beretta qui shoot. L'arrière ton mic, violent comme un chef d'état qui chute. Boum, joue les fils de pute, garde le crime en guise de pute. Sale bitume, bordel, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À part si ça flingue, à part si ça chlingue, à part qu'ici on veut le pognon et la fringue. Casse pas la tête si ça sent le braquage. C'est Beretta qui shoot. L'arrière ton mic, violent comme un chef d'état qui chute. Boum, joue les fils de pute, garde le crime en guise de pute. Sale bitume, bordel, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À part si ça flingue, à part si ça chlingue, à part qu'ici on veut le pognon et la fringue. À part si ça flingue, à part si ça chlingue, à part qu'ici on veut le pognon et la fringue.